Chapitre 4. Naissance de Pierre d'Iberville. C'est au milieu de cette réunion de chrétiens exemplaires, de gentilshommes choisis, de militaires intrépides, que s'élevaient les enfants des familles principales de Montréal, Lebert, Saint-André, de La Porte, d'Aisselle de Sailly, de Jacques et de Charles Lemoine, de Montigny, de Bélestre, de Daillebousse, de Musso, de Prudhomme, de Tessier, de Louvigny, de Lenoir Roland. La famille qui se distinguait entre toutes par ses enfants, tant par leur nombre que par leurs heureuses dispositions, c'était celle de Charles Lemoine, marié à la fille adoptive des Primo. Il y avait là 12 enfants pleins de force et de bonne qualité. Le troisième, Pierre d'Iberville, se faisait remarquer dès sa jeunesse. Il annonçait un esprit vif et hardi, et il était d'une force extraordinaire pour son âge. Voici l'ordre des naissances de ces enfants auxquels Lemoine, pour les distinguer, donna des noms empruntés aux localités des environs de Dieppe, en souvenir de la patrie absente. En 1650, Charles de Longueuil. En 1659, Jacques de Sainte-Hélène. En 1661, Pierre d'Iberville. En 1663, Paul de Maricourt. En 1668, Joseph de Sérigny. En 1669, François de Bienville. En 1670, anonyme. En 1673, Catherine Jeanne. En 1676, Louis de Châteauguay. En 1678, Marie-Anne. En 1680, Jean-Baptiste de Bienville, deuxième du nom. En 1681, Gabriel d'Assigny. En 1684, Antoine de Châteauguay. Ils se distinguèrent par leur mérite et leur dévouement. 5 moururent au service du roi. Sainte-Hélène fut tuée au siège de Québec en 1690. De Maricourt mourut de fatigue au pays des Iroquois en 1704. De Bienville, premier, fut tué par les sauvages en 1691. De Châteauguay, premier, fut tué à la prise du fort Nelson en 1686. D'Assigny mourut des fièvres dans l'expédition du golfe du Mexique en 1700. Charles de Longueuil fut gouverneur de Montréal. De Bienville, deuxième du nom, fut gouverneur de la Louisiane pendant 15 ans. Antoine de Châteauguay devint gouverneur de la Guyane. Catherine Jeanne fut mariée au sieur de Noyant, capitaine de la milice. Marie-Anne fut mariée en 1699 au sieur de la Choissagne, gouverneur des Trois-Rivières. Voici donc une famille qui est un précieux témoignage de l'état des choses sous l'Ancien Régime. Une famille modeste, mais élevée avec les soins qu'inspire la religion, et qui, grâce à ce secours, fournit tant de sujets remarquables. Le gouvernement était juste appréciateur du mérite, et il n'hésitait pas à mettre les petits-fils d'un humble aubergiste au premier rang quand il les envoyait dignes. Nous trouvons sur les registres de Notre-Dame l'acte de naissance de Pierre d'Iberville, notre héros, et nous le transcrivons ici. Le 20 juillet 1661 est baptisé Pierre, fils de Charles Lemoine et de Catherine Primo, sa femme. Le parrain, Jean Grévrier, au nom de noble homme Pierre Boucher. C'est ce Pierre Boucher qui a donné une notice intéressante sur la Nouvelle-France. Il devint gouverneur des Trois-Rivières et est l'ancêtre de personnages remarquables. La Vérendrye, qui explora le Nord-Ouest, la sœur d'Iouville, fondatrice des Sœurs Grises, et enfin Monsieur de Boucherville, premier ministre de la province de Québec, de 1874 à 1878. Demeurant au Cap près des Trois-Rivières, et marraine, Jeanne Lemoine, femme de Jacques Lebert, marchand. Signé Perrault, curé de Montréal. Tandis que les jeunes filles allaient recevoir l'enseignement de la sœur Bourgeois et de Mademoiselle Mance, les jeunes gens étaient formés par les messieurs du séminaire et principalement par M. Souard et M. Perrault. M. Souard avait organisé une école formée sur le modèle des maîtrises de France, et les enfants, malgré l'éloignement, recevaient l'instruction telle qu'on la donnait dans les meilleures écoles de la mère patrie. M. Souard était un maître consommé. M. Perrault nous a laissé, dans les registres de la paroisse, des témoignages précis de sa capacité. On remarque une écriture d'une délicatesse comparable à la gravure, une rédaction irréprochable, une connaissance parfaite de la langue. Ceux d'entre les jeunes gens, qui après quelques années d'études montraient des inclinations pour l'état ecclésiastique, étaient envoyés au collège des Jésuites de Québec. Les autres s'exerçaient pour la profession militaire et étudiaient les lettres et les mathématiques. Cette école de M. Souard, étant aussi une maîtrise, devait concourir au service religieux. Les enfants servaient la messe. De plus, ils étaient formés au chant religieux et aux cérémonies ecclésiastiques, comme cela se passe dans toute maîtrise. On observait le règlement de la paroisse de Saint-Sulpice de Paris pour l'instruction religieuse et la préparation à la première communion. M. de Quélus avait pratiqué cet enseignement à la cure de Saint-Sulpice, ainsi que M. de Fénelon, et il le continuait à Montréal, tandis que le frère de M. de Fénelon, le futur archevêque de Cambrai, remplissait les mêmes fonctions à la cure de Paris, à laquelle il était attaché. Le catéchisme dont on se servait venait de Paris. Il avait été composé sous la direction de M. Ollier, et il a été conservé jusqu'à ce jour en Canada. Presque sous la même forme, d'après la rédaction d'un prêtre de Saint-Sulpice, M. Languet, qui devint plus tard archevêque de Sens. Voici les noms des enfants qui firent la première communion, vers 1674, avec Pierre d'Iberville. Rebutel de Saint-André, Aubuchon, Louis Descaries, Antoine de la Porte, Pierre, Paul et Jean de Lemoine, Paul et Nicolas d'Ayobus de Mantet, Urbain Tessier, Gabriel de Montigny, Pierre Cavelier, Benoît et Jean Barret, Jacques Lebert, Zacharie Rebutel et Duluth. Ces noms sont précieux à conserver, ce sont les noms d'enfants nés sur le sol canadien dès les premiers temps, et qui, à différents titres, ont acquis les droits à la notoriété nationale. Ainsi Jean, Pierre et Paul, le moine, allèrent à la baie d'Hudson en 1686. D'Ayobus de Mantet parcourut le Nord-Ouest et, dans un mémoire remarquable, fit connaître les richesses de la Louisiane. Gabriel de Montigny accompagna Pierre d'Iberville à Terre-Neuve en 1686. Jean Barret suivit M. de La Salle dans ses expéditions et périt dans un naufrage. Duluth explora le lac supérieur. Ses enfants s'instruisaient de la religion en même temps qu'ils s'initiaient aux exercices militaires, comme il convient dans une place de guerre. Le dimanche, ils revêtaient les habits de cœur et aimaient à prendre part aux cérémonies. Et ensuite, au jour de congé, ils prenaient le costume des jeunes sauvages et s'en allaient aux environs avec des arcs et des flèches, chasser le gibier, qui était d'une abondance extraordinaire. Pierre d'Iberville, qui, d'après les mémoires du temps, se distinguait au milieu de tous par sa piété et son heureux caractère, était singulièrement remarquable par un tempérament infatigable et son habileté dans les exercices corporels. Les écrits et les mémoires qu'il a laissés, et qui sont pleins d'intérêt et du style le plus noble, font voir qu'il avait bien profité des enseignements de M. Souard. Pierre passa sa jeunesse dans la maison de son père, sur la rue Saint-Joseph. On peut voir encore, près de la sacristie de Notre-Dame, quelques corps de bâtiments de la maison des Lemoines, et dans le jardin du séminaire, il restait encore, il y a quelques années, des arbres très anciens qui avaient pu ombrager ses premiers jeux. Le futur héros était grand pour son âge, d'une figure ovale et agréable, teint clair, très blond, avec des cheveux abondants, digne fils du baron de Longueuil, que les sauvages avaient nommé l'Alouette, à cause de son teint et de ses cheveux blonds. Son maintien était noble, mais tempéré par beaucoup de modestie et de douceur. Il était de ceux dont on a pu dire qu'ils plaisaient au premier regard, mais qu'on les aimait en les connaissant davantage. Ses manières étaient aisées, agréables, et son commerce plein d'ouverture et conciliant. Il montrait dès sa jeunesse tous les signes de ce caractère obligeant et généreux qui le fit tant aimer de ses soldats qu'il l'aurait suivi jusqu'au bout du monde, disait-il. Enfin, il avait ce cœur tendre, plein de pitié pour le malheur, qui le fit remarquer et adorer des nations sauvages. Pendant qu'il demeurait chez son père, il put être témoin de différents événements notables. La construction de l'église paroissiale, la division et la dénomination des rues de la ville, et enfin l'entrée dans Montréal d'une partie des troupes que le roi avait envoyées dans la Nouvelle-France. Ces troupes venaient se fixer dans la ville et aux environs pour défendre les colons. Cet événement dut lui faire une grande impression.